Ran, bonjour, tu n'aurais pas vu le stock de plutonium? Ran, salut, tu n'aurais pas vu le stock de plutonium? Ran, tu n'aurais pas vu le stock de plutonium? Tu n'aurais pas vu le stock de plutonium? Ça fait vraiment écrit Grosk. Heureusement que j'ai juste fait une recherche grue. Est-ce que j'ai... Ran! Non, ça a l'air... Ran! Non, c'est bon. Alors, pardon. Bah, un vaisseau. Bah, un vaisseau. Bah, un vaisseau. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Ok, ça c'était pour le 4. Désolé, j'ai mis trop de temps. Salut.